Elle mourut quelques jours après. Son corps fut porté pendant les trois quarts de lieue de chemin de Sassy à Nitry par ses quatre enfants. Une fausse délicatesse ne les empêcha pas de rendre ce devoir filial, et le précieux fardeau ne fut touché que par eux seuls et par leurs enfants, qui suivaient, tous habillés en blanc, symbole de leur candeur. Je n'oublie aucun de ces traits qui peignent la vraie pitié filiale, réduite à de pures grimaces dans les villes. Ces mœurs simples, si conformes à celles des premiers âges, tiennent plus à l'innocence et au bon principe qu'on ne le croit. C'est peut-être à l'extinction de tous les anciens usages qu'est due notre dépravation actuelle, ou plutôt c'est la dépravation qui a éteint nos anciens usages. À la fin de 1728, Henry R. apprit la mort de Rose Pombelin. Il dit à cette occasion « Je suis jeune encore, et me voilà déjà comme le père Bras d'Argent », faisant allusion au discours de ce vieillard rapporté plus haut. Il prit le deuil et le porta pendant 2 ans en mémoire du père et de la fille. En 1729, Henry R. devint l'homme des trois seigneurs et administra la terre en leur nom. Ce fut ce surcroît d'occupation et l'incapacité de ses enfants, son fils aîné était au séminaire, qui amena le second mariage. Cependant, il n'eut lieu qu'en 1733. Avant de venir à cette époque, il faut faire connaître cette seconde femme, qui, suivant l'usage, ne fut pas aimée de ses beaux enfants, et n'eut personne de son parti dans le village, parce qu'elle était étrangère. C'est ma mère, mais en parlant d'elle avec tout le respect que ce titre sacré m'impose, je serai néanmoins absolument impartial. Heureusement, pour la louer, je n'aurai besoin que d'exposer les principaux faits après son mariage, et sa conduite constante, sans craindre que personne puisse me donner le démenti. Barbe Ferlet de Bertraud est née à Acolet, petit bourg situé à la jonction des rivières d'Yonne et de Cure, en 1713. Son père, Nicolas Ferlet, descendu d'une très bonne famille, était un excellent homme. Sa probité, la douceur de son caractère et sa piété le faisaient chérir de toute la paroisse. Son épouse, mon aïeule, mourut fort jeune. Il s'était remarié, mais à une bonne femme, qui regarda comme sienne 2 filles de son mari. Ma mère était la plus jeune, c'était une blonde de la plus aimable figure, mais d'une vivacité et même d'une pétulance que l'éducation ne réprima pas. C'était l'enfant gâté de la maison. Son père la chérissait, séduit par sa figure, et lui passait tout. Sa belle-mère, plus indulgente encore, et portant la bonté plus loin qu'elle n'aurait fait sans doute pour sa propre fille, admirait jusqu'au défaut de sa chère Bibi. Aussi la maison était-elle absolument gouvernée par cette jeune tête et la sœur aînée, fille sérieuse et d'un grand bon sens, n'y avait qu'une très légère influence. La pauvre Bibi a payé cher dans la suite cette petite domination précoce. Le premier échec que reçut son bonheur vint d'un accident causé par son étourderie. Comme Bibi était gaie, enjouée, elle avait beaucoup de bonnes amies. Toutes ces jeunes filles se rassemblaient le soir chez elle pour la veiller, où tout ce qui venait au nom de Bibi était bien reçu de ses parents. C'était d'ailleurs un amusement pour le père Ferlet de voir toute cette jeunesse, que sa fille surpassait en agrément, et pour laquelle tout marquait de la déférence. Un soir d'automne, qu'on avait beaucoup taillé de chanvre, et fait des contes qui avaient fort amusé, Bibi, accablée de sommeil, ne voulut pas qu'on jetât dehors les chenevottes, pressée de s'aller coucher. Les représentations de sa sœur ne furent pas écoutées. On se mit au lit, mais il n'y avait pas longtemps qu'on dormait, lorsqu'une flamme horrible sortit tout d'un coup de ce tas de chenevottes et mit le feu à la maison. Le père Ferlet et sa famille ne purent sauver que leur vie. Ils sortirent tout nus en chemise. Cet accident diminua beaucoup leur aisance et ils ne s'en relevèrent jamais. La maison fut consumée, les meubles, antiques à la vérité, mais fort beaux, le linge, les habits, les titres, l'argenterie, tout fut perdu. Le trouble du père Ferlet, accablé de sa douleur, ne lui permit pas de veiller à rien, ni de rien sauver des débris de sa fortune. Il engagea ses terres pour rebâtir sa maison, etc. Son plus grand chagrin et celui de son épouse, ils l'ont dit souvent, c'était de ce que l'accident venait de la faute de leur chère Bibi, et de ce qu'elle en était inconsolable. Ce terrible coup du sort s'étendit beaucoup plus loin encore. L'aisance du père Ferlet diminuée, une dame Pendevent, aussi de la maison de Bertraud, qui aimait beaucoup Bibi, et qui était fort riche, la demanda à ses parents. On gémit, on pleura, mais l'intérêt de la chère enfant exigeait qu'on se privât d'elle. On s'en priva donc, et Bibi alla demeurer à Auxerre chez sa parente, qu'elle suivit ensuite à Paris, où elle resta 2 ans. Ce fut dans cette dernière ville que Bibi essuya différentes attaques, causées par sa figure et par sa vivacité. Tous ceux qui l'approchaient devenaient ses amants, mais incapable d'attachement, elle riait de leurs soupirs, ou si elle faisait attention à eux, ce n'était qu'à raison de l'établissement qu'ils pouvaient lui procurer. Dans le nombre, il se trouva un homme d'environ 45 ans, d'une belle figure, jouissant d'une fortune honnête, d'un caractère aimable, et d'une famille connue. Cet homme s'annonça tout d'un coup à la jeune personne comme prétendant à sa main. Bibi le trouva ce qu'il lui fallait, car elle voulait une maison faite, et le pria de s'adresser à Madame Pendevent. Enchantée des avantages que cet homme faisait à sa protégée, cette dame accueillit le prétendant. Le mariage fut conclu en 8 jours. Immédiatement après la célébration, les deux époux allèrent demeurer en province. Bibi, devenue Madame Bolfjat, eut un fils, que son mari mit en nourrice à Pourrin, à 10 lieues de sa résidence, quoiqu'il y eût des nourrices dans le pays. Un jour que M. B. était parti de grand matin pour aller voir son fils, disait-il, sa jeune épouse vit entrer chez elle une dame d'environ 50 ans. Son air inspirait le respect, quoiqu'il fût plein de douceur et de bonté. Elle demanda à M. B. « Il est en campagne, madame. »« Loin, mademoiselle ?»« À 10 lieues d'ici, madame, voir notre fils, qui est en nourrice. »« Quand sera-t-il de retour ?»« Il reste ordinairement plusieurs jours, parce qu'en même temps il va à... pour ses affaires. » « Y a-t-il longtemps que vous êtes mariée ?»« 18 mois, madame. »« Comment avez-vous fait la connaissance de M. B. ?»« C'est chez ma cousine Pendevent, madame. C'est elle qui a fait notre mariage. »« Ah, c'est sous l'autorité d'une parente ?»« Cela change les choses. »« Comment donc, madame ?»« Je crois que cela ne change rien du tout. »« Pardonnez-moi, madame. »« Vous avez un fils ?»« Oui, madame. »« Ah, il est charmant. Je ne l'ai encore vu qu'une fois, mais je brûle d'envie de le revoir. » La dame fit un profond soupir. « Mon Dieu, madame, pardonnez, je ne vous ai pas invité à vous asseoir. Vous connaissez mon mari, madame ?»« Beaucoup, je vous assure. »« Cela me fait plaisir, c'est un aimable homme, et j'en suis bien contente. Ses complaisances pour moi n'ont pas de bornes. » La dame soupira encore, et l'on vit des larmes prêtes à couler. « Je le crois, madame, vous êtes jeune, vous êtes charmante, vous lui avez donné un fils. Oh, si vous saviez comme il l'aime, il en est fou, il ne parle que de son fils. » « je vous crois, madame. Connaissiez-vous M. B. longtemps, auparavant, votre mariage ?»« Cela s'est fait en 8 jours. »« Sur quelle paroisse de Paris ?»« Sainte-E. »« Madame, va se rafraîchir ?»« Non, madame, on m'attend. »« Avez-vous de la compagnie ?»« Oui, madame, ce sera surcroît de plaisir. »« Et vous ne sortirez qu'après m'avoir fait l'honneur. »« Cela est impossible. » Pendant que la dame répondait cela, Bibi parlait à l'oreille de la cuisinière, qui alla prier 3 personnes restées à la porte dans une chaise de vouloir bien entrer. C'étaient 3 parents de la dame. L'air singulier dont ils regardèrent Bibi, qu'ils traitèrent de mademoiselle, ne lui fit pas faire la moindre réflexion. Et qu'aurait-elle pensé? Pouvait-elle imaginer le malheur qui pendait sur sa tête? D'ailleurs, étourdie comme elle était, s'apercevait-elle de rien? Et donnait-elle aucune conséquence à l'air qu'on avait? La dame parla à l'oreille des 3 hommes, un temps assez considérable, pour le rendre toute la conversation. Cela n'était pas au moins trop poli. Mais Bibi, pendant ce temps-là, faisait servir une collation. C'était la coutume des campagnes, où cette hospitalité, si vantée des anciens, est toujours en usage, parce qu'elle y est absolument nécessaire. Ce n'est qu'à Paris qu'on en parle avec admiration, comme d'une coutume surannée ou étrangère. Après que la dame de ses compagnons eurent tenu un petit conseil, ils sortirent sans s'expliquer. Restée seule, Bibi réfléchit, et fut extrêmement étonnée. Elle apprit de sa servante que les 4 personnes parlaient avec beaucoup de chaleur, en remontant dans leur voiture. Que la dame avait dit « Elle est dans la bonne foi, que vouliez-vous que je dise ?»« Ensevelissons cette affaire, mes chers parents, au nom de Dieu, ensevelissons-la. » Ce discours surprit encore davantage l'infortunée Bibi, qui, n'ayant rien à se reprocher, tâcha de se tranquilliser jusqu'à l'arrivée de son mari. Il devait rester 8 jours absent, mais on le vit arriver le lendemain avant midi. Il entra d'un air ému. Mais s'apercevant à l'air dans sa femme le reçu, qu'elle n'était instruite de rien, il se remit. « Ma chère, lui dit-il, une affaire indispensable m'appelle à Paris. Nous partons demain, préparez-vous. Je vais de mon côté tout mettre en ordre. » Bibi se prépara au départ, tout en racontant à son mari la visite singulière qu'elle avait reçue la veille. Au portrait qu'elle fit de la dame à M. B., il reconnut son épouse, car cet homme était marié, et éperdument amoureux de Bibi, qu'il avait vue à Auxerre, mais sans lui avoir parlé, il l'avait suivie à Paris. Il avait pris le nom d'un de ses frères, mort depuis longtemps dans le Nouveau Monde, avait épousé celle qu'il aimait, et l'avait amenée dans le village de Sassy, qui, étant écarté de toutes les routes, et cependant à portée de ses affaires, lui avait paru un asile assuré. Il y portait son vrai nom de famille, sous lequel on ne l'avait jamais connu à Auxerre, ni aux environs. Les raisons qui l'avaient dégoûté de son épouse, c'est d'abord qu'elle était plus âgée que lui. Ensuite, il n'en avait point eu d'enfant, et il brûlait d'envie d'en avoir. Enfin, l'amour, cette passion impérieuse, qui, lorsqu'elle est directement opposée à la vertu, produit toujours des vagues tumultueuses qui lui font faire naufrage. On se prépara donc à partir pour Paris. Mais le soir même, dans le silence de la nuit, on vint frapper à coups redoublés. Un domestique ouvrit, sans attendre l'ordre de son maître, qui, dès qu'il fut éveillé, sauta du lit et s'arma de deux pistolets. À l'instant où il ouvrait sa porte, il vit paraître sa femme et ses trois parents. Il fut confondu. Les hommes lui firent les reproches les plus vifs, accompagnés de menaces violentes. L'épouse pleurait. L'infortunée Bibi, instruite par cette scène, de l'abîme où elle avait été plongée, qui voyait toutes ses espérances s'évanouir, l'infortunée Bibi était au désespoir. Elle avait de l'ambition. Ce motif seul l'avait déterminée au mariage. Des amants jeunes et tendres n'avaient eu aucun pouvoir sur son cœur. Qu'on juge de sa situation. Elle se lève à demi nue et vient se jeter aux genoux de la dame. « Je suis innocente pour tout le monde, lui dit-elle, aux yeux de Dieu même, mais je suis coupable pour vous, je le sens. Pardonnez-moi des torts involontaires, et ne confondez pas l'innocence avec le crime. Je ne demande point à garder votre mari, je ne demande que l'honneur, et de n'être pas traînée avec lui devant les tribunaux. Que l'on n'y entende pas retentir mon nom, mon pauvre père en mourrait de douleur. Ayez pitié de ses cheveux blancs et de ma jeunesse. » La dame l'embrassa en la relevant. Ses larmes eurent tant de pouvoir que ne peut pas la beauté, qu'ils touchèrent les trois hommes eux-mêmes malgré leur fureur. On cessa d'injurier, on se plaignit, ensuite on conversa. La dame prit sa rivale en amitié, et cela fut porté au point, lorsqu'elle la connut parfaitement, qu'elle l'adopta en quelque sorte pour sa fille. Jamais amitié ne fut plus sincère. Jusque-là, que si les lois l'eussent permis, elle aurait laissé subsister le mariage. Mais ce fut encore mieux, lorsqu'elle eut vu l'enfant. Elle voulut elle-même en prendre soin, et elle renouvela ce beau trait d'une reine Élisabeth de Portugal, qui élevait sur ses genoux les enfants des maîtresses du roi sans époux. On tint le honteux mariage enseveli. Bibi, l'infortunée Bibi, abandonna son sort à Madame Bojvzat, et demeura avec elle, comme avec sa mère. Le secret fut gardé, même avec le père Ferlet. Mais on sent que M. B. ne vint plus ni son épouse légitime, ni celle qu'il avait trompée. Madame B. mourut au bout de 2 ans, et pour marquer la sincérité de ses dispositions à l'égard de Bibi et de son fils, elle leur laissa tout ce qu'elle pouvait leur laisser, même des bienfonds. M. B., devenu veuf, fit faire des propositions à Bibi par Madame Pendevent, chez laquelle elle s'était retirée avec son fils. Cette dame conseilla le mariage à sa pupille, et celle-ci consentit à tout ce qu'on voulut. Elle épousa donc une seconde fois M. B., avec lequel elle vécut heureuse, car il l'adorait, jusqu'à la mort de cet homme arrivé en 1732. Dès qu'il eut fermé les yeux David, collatéraux se préparèrent à découvrir le vice de la naissance du jeune B. Sa mère, tremblante et perdue, fut représentée comme ayant été concubine volontaire. Je décrirai toutes ces horreurs si j'étais fils d'une autre femme. Madame B. alla déposer sa douleur dans le sein du pasteur, messire Antoine Foudriac. Mais ce jeune curé se défia de lui-même, en traitant avec une femme jeune et séduisante. Il voulut qu'Edmé R. fût présent à leur conférence. La jeune dame fit son histoire, en administra les preuves par les lettres de la première femme de M. B. et par d'autres de plusieurs personnes de la famille de son mari, qui l'avaient prise en affection, surtout d'une proche parente de M. B., qui demeurait à Chitry. Le pasteur et le lieutenant, place qu'Edmé R. avait alors, conçurent pour elle la plus grande estime et l'aidèrent de tout leur pouvoir. Mais l'acharnement des héritiers était indomptable, comme une veuve jeune et jolie, qui, adorée de son mari, les avait quelquefois de son vivant traités avec hauteur. Il rompait toutes les mesures du pasteur pour éviter l'éclat. Un jour désespéré de cet entêtement, il prit Edmeer par la main. « Mon cher ami, nous la connaissons, comme si elle était notre sœur. Ces gens-là feront mourir, et c'est ce qu'ils demandent. Ces gens-là la feront mourir, et c'est ce qu'ils demandent. Vous êtes veuf, épousez-la, et avec tous ses droits. Vous imposerez à ces malheureux-là, par la considération qu'on a pour vous, votre haute réputation de probité fera taire les bruits injurieux. Elle vous devra l'honneur, et vous aurez une épouse aimable qui vous rendra heureux. Vous êtes trop jeune pour un éternel célibat. C'est un pesant fardeau pour un homme réglé dans ses mœurs, qui n'a rien perdu par les excès d'aucun genre. Voilà mon sentiment. Et de plus, la prière que vous fait un homme tout à vous. Je dispose de vous, madame, dit-il à la jeune veuve, mais c'est en faveur d'un si honnête homme que je suis sûr que vous ne me démentirez pas. » Le plus embarrassé en cette occasion était Edmeer. Il voyait devant lui, presque à ses genoux, une jolie femme éplorée, qu'il pouvait mettre à couvert de mille désagréments. La compassion parle fortement au cœur généreux. Son ami le pressait vivement. Il ne refusa pas, et demanda du temps pour se déterminer. « Oui, je vous donne 24 heures, dit le curé. Encore est-ce parce que cela ne retardera rien. Dimanche, un banc. Dispense des deux autres, mariés à 4 heures du matin, le premier jour possible. » Edmeer sortit de cette entrevue rêveur. Cet enfant. Mais c'est la jeune femme que cela devrait effrayer, et non pas lui. Par générosité, il résolut de la refuser, et de tout employer pour la servir. Il alla même en parler à son beau-père sur ce ton. Thomas d'Onden fut effarouché de l'idée seule de ce mariage. Il fulmina, et dès le lendemain, il fit faire un inventaire en faveur de ses petits-enfants. Edmeer n'en parut point affecté. Au contraire, voyant les droits de ses enfants en sûreté, considérant l'avantage que sa fortune et la leur pouvaient retirer d'un second mariage avec une femme qui avait beaucoup de droits certains, il retourna chez le curé, moins décidé à refuser. Dès que le pasteur le vit, il s'empara de lui, et ne le quitta pas qu'il n'eût arraché son consentement. Les articles furent même dressés. Le mariage se fit dans le temps que messire Antoine Foudriat avait résolu. L'effet que le pasteur avait attendu de ce mariage fut aussi heureux qu'il l'avait présumé. La calomnie ferma ses 100 bouches, les héritiers devinrent traitables. Il n'y eut point de procès, et tout se termina par le ministère du notaire. Edmeer ne fut pas plutôt marié qu'il sentit qu'il avait bien fait. Le désordre de l'intérieur du ménage était inconcevable. Plus de linge, ni de corps, ni de table, etc., etc. Depuis la mort de sa bonne mère, il ne goûtait plus aucune des douceurs de la vie. Abandonné, pour ainsi dire, à lui-même, il sentait un malaise et une mélancolie qui prenaient insensiblement sur sa santé. Sa nouvelle épouse, tandis qu'il s'occupait à recueillir ses biens, rétablissait l'ordre et l'abondance dans le ménage. Elle voulut gouverner des filles déjà grandes, accoutumées à l'indépendance. Elle n'y réussit pas, et elle souffrit, en cette occasion, du vice de son éducation personnelle. N'ayant jamais été contredite, elle alla sans doute trop loin. Mais ce fut lorsqu'on eut passé les bornes avec elle. Cependant, jamais le mari ne s'aperçut de ces dissensions domestiques. Sa femme reprenait un air serein, dès qu'il paraissait, et ne se plaignait que rarement. Ce fut une autre personne qui instruisit un père de famille de ce qui se passait chez lui. C'était après ma naissance, car je suis le premier fruit du second mariage de mon père. D'autres enfants me suivirent presque sans interruption, de sorte qu'en 1745, Edmeer était père de 14 enfants vivants, 8 filles et 6 garçons. Et lorsque le jeune B était à la maison, il avait 15 personnes, qui toutes disaient « mon père et ma mère ». C'est une singularité que ce nombre égal d'enfants des deux lits, la seule différence est qu'il n'y avait que 2 garçons du premier, et que nous fûmes 4 du second. Une sœur de mon père, c'était Marie, la plus jeune, eut occasion de passer quelques jours à la maison. Le premier et le second jour, tout le monde se contraignit, mais la patience échappa aux grandes filles, le troisième dès le matin. Elles avaient tort. La tante surprise de cet orage prit le parti de sa belle-sœur contre ses nièces. Mais ce ne fut pas le moyen de rétablir la paix. On pleura. On dit qu'on était abandonné de tout le monde, depuis que cette belle dame était venue leur enlever le cœur de leur père. Les jours suivants, la même scène recommença. Pour lors, la tante, bien convaincue que des personnes si peu faites pour vivre ensemble, se rendaient mutuellement malheureuses, en parla à son frère. « C'est ce que j'avais prévu, répondit-il, et je me suis trop tôt applaudi de m'être heureusement trompé. Mais je sais un remède. » Ce sont les grandes filles qui causent tout le mal. On me demande l'aînée en mariage. Le parti est avantageux, mais j'hésitais. je vais la marier. La seconde souhaite d'aller en apprentissage à la ville. Elle ira. Mon bon père d'Ondaine me demande à la troisième, je la lui donnerai. Il a déjà la quatrième, je ne garderai donc ici que la plus jeune, qui est d'un caractère doux, et qui d'ailleurs n'est qu'une enfant. Quant à mes deux fils, je ne sais pas si leurs sœurs les ont mis de leur parti. Mais en tout cas, l'aîné, qui est un homme fait, malgré sa jeunesse, est au séminaire. Le cadet sur le point d'y aller. Il est d'ailleurs d'un si excellent caractère que je n'en ai rien à redouter. Voilà des arrangements naturels. Mais croyez, ma sœur, que si je m'étais trouvé dans une autre position, j'aurais su parler en père et en maître, et mettre à la raison toutes ces petites personnes. Elles abusent de ma bonté. Dites-leur que si Pierre Rétif vivait, Dieu lui fasse paix, et qu'à son âge il a pris leur conduite, il viendrait ici, et les traiterait de manière à les faire trembler. Lui qui ne pouvait souffrir que des filles, avant leur mariage, eussent un sentiment, un avis, un ton de voix, assuré, qu'elles prononçassent jamais un oui ou un non. Dites-leur tout cela, et que je prendrai l'esprit de mon père pour leur parler. Prévenez-les, ma sœur, je vous en prie. Ce serait les mal servir que de souffrir leur aigreur, et mes enfants me sont trop chers, pour que j'approuve leurs défauts. Ce discours fut fermement rendu aux jeunes personnes et les fit trembler. Mais Elmer n'en exécuta pas moins son plan, et la paix fut rétablie par ce moyen pour toujours. Le lendemain, après que sa sœur eut parlé, il fit assembler toute sa famille et tint ce discours, en s'adressant successivement à ses filles. « J'ai appris d'hier seulement qu'il régnait dans la maison un trouble scandaleux, et que l'insubordination y était portée au point qu'on n'y reconnaissait plus d'autorité. » Si j'avais choisi pour m'y représenter la fille d'un mendiant et que je voulusse qu'elle exerçât mon autorité, ne fût-elle que servante, j'entendrais que ses ordres fussent exécutés avec respect et sans la moindre discussion. Mais c'est à mon épouse, c'est à la moitié de moi-même que l'on résiste, c'est à mon choix qu'on ose s'en prendre et qui, des filles dont le rôle ne doit être que la modestie et la soumission. Vous mériteriez que je fisse, et sur l'heure, un exemple capable d'épouvanter toutes les effrontées, qui ne savent pas demeurer à leur place. Mais les prières de celles que vous avez eu l'indignité d'outrager me retiennent encore. Vous, Anne, n'avilissez pas le nom de votre grand-mère. Dieu la garde en son sein. Que vous portez? Vous, Marie, dont la figure heureuse devrait annoncer une âme bonne et douce, prenez garde que je vous traite avec d'autant plus de rigueur qu'il paraît que la méchanceté est le choix de votre volonté, et non un funeste présent de la nature. Vous, Marianne, j'excuserai peut-être votre caractère étourdi, si vos excès n'avaient été proportionnés à votre inconsidération. Cependant, quoique la plus emportée, vous avez été moins loin que vos sœurs. Triste rôle d'un père, réduit à louer une de ses filles, d'avoir été moins coupable que les autres. Quant à vous, Magdelon, qui portez le nom d'une tante, que vous n'imitez guère, Dieu la bénisse et la conserve, j'ai voulu que vous assistassiez à cette juste et paternelle réprimande, quoique vous demeuriez chez votre grand-père, parce qu'il m'est revenu que vous faisiez aux étrangers des discours contre la compagne de votre père. C'est une indignité, et jamais je n'aurais cru mon sang capable de s'y livrer. Ainsi, chose horrible, c'est des maîtres, des juges sévères que j'avais au lieu d'enfants. Sous quel affreux point de vue ont-ils donc envisagé ma conduite? Et s'ils n'ont pas osé le dire, qu'ont-ils pensé sur mon compte? J'espère que mes fils ne sont pas entrés dans cette abominable révolte, mais si cela était, si je l'apprenais, je leur ferai sentir tout le poids de l'indignation d'un père offensé, et leur punition, audacieuse créature, servirait à vous épouvanter. Qu'il me revienne un mot dans la suite. Puisqu'au lieu d'un père tendre que j'ai toujours été, vous voulez un maître, c'est un maître que vous aurez, pauvre folle. Si vous aviez affaire à Pierre R., Dieu le bénisse à jamais, où en seriez-vous? Demandez à votre tante. La voilà. Mais vous n'auriez pas commis cette faute sous un tel père. Et tous les jours, je bénis et j'admire sa sagesse. Sa juste sévérité est presque toujours ce qu'il faut à un sexe indomptable, et qui ressemble au plus entêté des animaux. Plus on lui souffre, plus il ose. Sur le champ, et toutes à genoux et qu'on demande pardon à ma femme, et à moi de sa félonie. Qu'on ne me le fasse pas répéter. L'air terrible qu'il sut prendre fit tomber à genoux les quatre orgueilleuses, auxquelles leur tante dicta les excuses qu'elles allaient être obligées de faire. Mais à peine eurent-elles dit un mot que leur belle-mère força la barrière que son mari lui opposait et vint les embrasser et les relever. Elmer ne fit aucune réflexion à ses filles sur cette bonté de son épouse. Il se retira, les laissant avec leur belle-mère et leur tante. C'est ainsi que se passa cette scène. Mais Elmer connaissait trop le cœur humain pour compter sur une paix durable. Il exécuta sans différer le plan dont j'ai parlé. L'embarras des noces de l'aîné tint d'abord tout le monde dans le devoir et dans l'action durant une couple de mois. Ensuite, le départ de la seconde pour Paris fut un autre sujet de distraction, etc. Quant à ses fils, N et R, les voyant se destiner à l'état ecclésiastique, ils ne crurent pas devoir relever quelques torts qu'ils avaient eus en prenant trop chaudement de bouche le cœur de leur sœur. Il respecta la pureté d'esprit et de cœur que doivent avoir les ministres des autels, parce qu'étant des hommes, ils n'auraient pu se dispenser d'entrer avec eux dans certains détails sur la nécessité du mariage, sur ce qu'un mari doit à son épouse, sur l'union intime qui est entre eux, union si grande qu'ils ne sont plus qu'un seul être, sur la tendresse conjugale, etc. Mais il se réserva néanmoins de leur dire un jour sa pensée, lorsqu'ils seraient des hommes faits, persuadés qu'un bon curé, pour s'entremettre efficacement de la paix des familles, doit connaître certaines choses, qu'il ne peut apprendre que d'un honnête homme marié.